La direction et le personnel du marché Richelieu épicerie Florent Lachance de Saint-Prime vous souhaitent une heureuse période des fêtes. Que la nouvelle année vous apporte paix, santé, bonheur et qu'elle comble vos moindres désirs. Depuis maintenant 62 ans, nous prenons plaisir à vous servir. C'est d'ailleurs pour vous remercier de votre support indéfectible que nous avons complètement rénové notre espace et nos équipements au cours de la dernière année, soucieux d'être à la hauteur de vos attentes, chers clients. Nous serons honorés de continuer à bien vous servir en 2018. De la part du marché Richelieu, épicerie Florent Lachance de Saint-Prime, joyeux Noël et bonne année. Équipe de Haltech. À l'aube de la nouvelle année, toute l'équipe de UAP Napa de Chibougamau profite de l'occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toute notre distinguée clientèle et vous remercie de leur encouragement pendant l'année qui s'achève et vous demande d'être extrêmement prudent pendant cette période de réjouissance. UAP Napa au 890 3e rue à Chibougamau au numéro de téléphone 418-748-6426. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. On va parler de la Ligue nord-américaine de hockey. C'est une chronique un peu spéciale ce matin parce que quelle histoire qui est sortie hier. Richard Martel, le commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, va se lancer en politique pour le Parti conservateur. Je vous dis tout de suite, il va y avoir des. On fait deux entrevues là-dessus. D'abord, évidemment, du côté de la Ligue nord-américaine, ça implique quoi? Monsieur Ligue nord-américaine a parlé au gouverneur? Parce que ça ne doit pas faire la fin de semaine de la Ligue. Et dans un deuxième temps, on va parler avec Simon Tremblay, l'animateur de Radio X, Saguenay, l'émission Midi-Pile. Est-ce que Richard Martel a vraiment des chances? Moi, j'en doute énormément. On va parler dans un premier temps avec Gilles Péloquin. Salut, Gilles. Hey, bonjour. Gilles, dans un premier temps, c'est une bombe hier qui est sortie. D'abord, on ne l'a pas venu, c'est moi qui te l'ai appris. Tu semblais vraiment très, très, très surpris. Moi, la première question que je me pose, est-ce que Richard Martel est heureux dans son rôle de commissaire? Parce que me semble, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'espoir quand Martel est arrivé comme commissaire de la Ligue nord-américaine. Et là, quoi, 4 mois avant de rentrer en fonction, il se lance en politique. La première chose, oui, c'est toi qui me l'as appris hier. J'ai été, comme plusieurs, près de la Ligue nord-américaine et près de Richard Martel, surpris, abasourdi. Je ne m'y attendais vraiment pas. Vous m'auriez dit, Richard Martel a une offre pour revenir dans le junior majeur. Richard Martel a une offre pour retourner en Europe dans la Ligue Magnus. J'aurais dit, c'est normal. C'est un gars qui a le coaching dans l'âme. J'espère que dans son contrat avec la Ligue nord-américaine, il y a une clause qui dit « Si jamais j'ai une chance de refaire du coaching, vous me laissez partir. Ouais. » Mais savoir que Richard Martel va possiblement aller en politique. Et là, je mets des bémols 24 heures plus tard pour bien des raisons d'Annie. La première, Richard Martel n'a pas parlé à personne de près ou de loin. Mais ça, c'est normal. Ça va être annoncé par le Parti conservateur, ça, lors d'une grosse conférence de presse. Moi, c'est pas surprenant, cette histoire-là. Ça, c'est un point qu'il faut laisser, ouais. Si c'est le cas au Parti conservateur, d'annoncer ses couleurs. Ce que l'on sait, c'est que Richard Martel aurait été vu mercredi dernier dans les couloirs du Parlement à Ottawa pour rencontrer les hautes instances du Parti conservateur une dernière fois. Et il a aussi salué un ancien confrère journaliste qui est maintenant un député, Gérard Deltel. Ouais. Il n'en fallait pas plus que Michel Lamarche, qui est une excellente journaliste pour le réseau TVA, pour la politique à Ottawa, ait eu vent de la nouvelle, l'est sorti sur son compte Twitter et ça a déboulé. Et 24 heures plus tard, tout le monde en parle et tout le monde se pose la question. Comme tu le dis si bien, on va laisser la chance au coureur, le Parti conservateur, d'annoncer la nouvelle et à Richard Martel de commenter. Dans la deuxième portion de ta question tantôt, le seul qui peut vraiment répondre, est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'aime ce que j'ai accompli jusqu'ici? Est-ce que je suis prêt à en faire davantage? Ben, c'est un seul individu qui peut répondre à ça, ni toi, ni moi, ni le peuple, c'est Richard Martel, et j'ose espérer à un moment donné qu'il va lui-même faire une petite entrevue et nous en dire plus long. Cependant, une chose que je sais pour avoir parlé avec deux propriétaires hier soir et ce matin, c'est que Richard Martel, depuis son retour d'Europe, ce que l'on m'a dit, c'est qu'il espérait ou rêvait ou voulait dans son orientation de carrière plus tard aller en politique. C'est un rêve qu'il caressait. Oui. Peut-être arrivé plus vite que prévu, mais on le savait à la Ligue, mais on n'a jamais pensé que Richard Martel irait si vite lorsque on lui a donné le mandat d'être commissaire, un mandat d'une année à la fois, mais en principe, c'est au moins un minimum de 3 ans et un maximum de 5 ans. Et là, ben, est arrivé le départ de votre député, de votre coin, rapidement le 6 novembre. Et il n'en faut pas plus pour dire que M. Trudeau, qui est le premier ministre pour le Parti libéral, et également c'est un député libéral, a le choix. Il a, dans les règlements de la Chambre, 6 mois pour annoncer une élection partielle. Donc, logiquement, d'ici le 7 mai 2018. Ça peut être avant, ça peut être plus tard. La question qu'on se doit de poser, et ce n'est pas Richard Martel qu'on peut la poser, c'est à celui qui dirige, pour les conservateurs, les comtés du Saguenay, et qu'il peut nous répondre en disant « Pourquoi l'annonce vient si vite? Est-ce que nous, on sait déjà qu'il y a des élections en février-mars, sans oublier qu'il y a des élections provinciales en octobre. Donc, il faut aller au printemps, pas attendre, parce qu'il y a d'autres élections qui s'amènent plus tard. Donc, c'est à voir. Puis est-ce que vraiment, Richard Martel est, depuis mercredi dernier, l'homme de confiance des conservateurs pour le Saguenay? Ça a du sens, parce que si on regarde sur une liste vite, qui peut remplacer le député sortant? Qui pourrait permettre aux, exemple, conservateurs ou à n'importe quel autre parti d'aller chercher ce comté pour le gouvernement canadien? Il faut un gars connu, un gars populaire, un gars qui est aimé. Richard Martel, du temps des Saguenay de Chicoutimi, a été une personne marquante. L'an dernier, il a été une personne marquante avec les Marquis de Jonquière, mais ça, c'est dans le sport. Oui, c'est dans, dans la politique. Exactement. Donc, moi, je suis encore estomaqué et surpris. Puis il y a des gens qui m'ont appelé près de la Ligue et des confrères journalistes depuis hier. Et je leur ai dit la vraie vérité. Et on peut appeler Alain Fortier également, de Médias en direct. Oui, nous sommes depuis septembre deux des personnes les plus près de Richard Martel à se parler 2-3 fois par jour en septembre et octobre pour lancer les matchs télé-web qui ont été jusqu'ici, après 13 des 24, un succès. Mais il faut dire quand même un bémol. Depuis la mi-novembre, coïncidence, quand on pense avec le recul, Richard Martel a été un petit peu plus discret, un petit peu plus difficile à rejoindre. On a eu moins de communication. Est-ce que parce qu'il allait pour tenter de trouver des franchises? Oui, il le fait. On sait qu'il a dans sa mire la région de Québec. On sait par les journaux, les médias, les confrères, que ça sent bon du côté de l'ancienne Lorette, puis peut-être aussi ça sent pas pire du côté de Lévis, mais il reste à finaliser puis explorer. C'est la même chose du côté de la Rive-Sud de Montréal. On tente de revenir avec des pourparlers et la ville de Saint-Jean qui a changé de maire. On tente aussi d'amadouer et d'explorer Granby parce qu'on sait qu'au niveau junior 3, c'est la dernière année des Inuk. L'aréna de Granby devient disponible. Donc, si tu es un commissaire d'une ligue comme celle sérieuse de la Ligue nord-américaine, tu fais des pieds et des mains pour aller à Granby et avant le senior 2A ou avant un autre senior A, qu'il y a beaucoup de ces équipes dans le secteur de la Montérégie. Donc, c'est du travail de longue haleine. Peut-être que c'est pourquoi moi et Alain, on a eu moins de chances de lui parler, mais ça fait en même temps bizarre. Tout ça. Ben écoute, moi je veux te parler, ça va vers quoi? C'est quoi la suite des choses? Là tu me parles là, de ça, là. Mais tu sais très bien que Richard Martel va avoir la tête beaucoup plus aux élections que commissaire de la Ligue nord-américaine. Et les commissaires, je sais que tu me l'as dit, je ne sais pas si c'est en dehors des ondes ou en ondes que tu me l'as dit, il est payé un bon montant. Là. C'était pas nécessairement, c'était pas gare de succès parce que Martel est payé un bon montant pour développer la Ligue. C'est un commissaire à temps plein. Là, Le commissaire à temps plein, c'est un salaire, je pense, normal pour l'emploi qu'il fait. Oui, avec sauf que là, il va... décision pour entrer des commanditaires à la Ligue. Ça, je pense que toute Ligue junior majeure ou nord-américaine, au Midget 3, qui sont les trois beaux exemples, c'est tout à fait normal. Mais où t'apportes un point, Danny, et écoute, je me mets dans sa peau. Demain matin, on me demande, on me courtise, on me fait miroiter de belles choses et je dis oui à un parti politique. Ben, il est évident que la journée où on annonce une élection complémentaire, qu'il y a 6 semaines de travail de moine à faire pour gagner des votes, ben, aller clair. Chercher l'électorat, et c'est à temps plein. À ce moment-ci, si c'est le cas à devenir pour, on ne sait pas, février, mars, avril ou mai, moi, je pense que Richard Martel est assez intelligent pour s'entourer. Il y en a des gens près de lui. Et aussi, en même temps, pouvoir déjà penser à donner des dossiers. Un dossier d'expansion peut être donné à un. Le dossier de discipline peut continuer avec un autre. Le dossier pour parler des séries éliminatoires peut être confié à un autre. Ça peut être ça aussi, là. Mais moi, j'ai des doutes que le gars peut occuper deux fonctions. Parce que je vais en parler plus avec Simon Tremblay. Mais le Parti conservateur, je ne sais pas si dans la région de Chicoutimi, ils ont des assises assez profondes. Je ne sais pas c'est quoi l'organisation, parce que c'est bien beau Richard Martel, mais il y a une machine à monter, il y a une machine à bâtir. Puis c'est le candidat qui doit faire ça beaucoup. Là. Le gars va occuper les deux postes comme il faut. Moi, j'ai des doutes. Écoute, la chance au coureur, ouais. Si c'est un rêve d'aller en politique, on lui donne. On ne peut pas l'arrêter. Il a le droit. Mais il y a des questions que vous posez. Il y a des réponses qui doivent être données. Pourquoi à ce moment-ci, peut-être pas plus tard, ben, il est encore jeune, puis il pourrait peut-être attendre 4 ans, diront ben certains. Oui, parce que... Ça, j'ai entendu ce questionnement et cette réponse au cours des dernières heures. Mais cependant, je pense que Richard Martel, et je le savais pas, je l'ai appris hier, avait un rêve, le caressait, de faire un jour de la politique. Moi, je pensais que c'était un rêve de revenir comme coach, entraîneur. Ben écoute, chapeau, il a le droit de rêver, il a le droit d'espérer, mais je pense qu'à la Ligue, les 6 propriétaires actuels devront, si c'est le cas, il y a une assemblée à la mi-janvier, c'est l'assemblée biannuelle de la Ligue, c'est la prochaine étape où ils vont se revoir les 7 ensemble, le commissaire et les 6 propriétaires. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il y a des questions qui vont lui être posées et il y a des ajustements qui devront être faits. Ce que je peux te dire, cependant, c'est que moi, dès hier, en fin d'après-midi, j'ai parlé avec celui qui a été un peu derrière tout ça, le répondant des 5 autres, c'est Christian Deschênes, c'est lui qui a un peu sauvé la Ligue avec Étienne Boilon, lui donnant la franchise de Trois-Rivières, qui a permis d'avoir 6 équipes. C'est lui également qui a été pendant un mois l'homme orchestre de cette Ligue avant l'arrivée de Richard Martel. Je sais que récemment, les deux se sont parlé et ont été très près l'un de l'autre. Et je sais que Christian Deschênes était au courant des intentions de Richard Martel de vivre un jour la politique. Mais moi, je pense que hier, j'ai pris le téléphone et j'ai dit à Christian, je suis prêt. Si vous avez besoin de moi, si je peux aider pour dépanner dans certains dossiers, cela me fera plaisir d'aider, advenant le cas que c'est vrai que Richard Martel s'en va en politique, parce qu'on n'a pas la réponse, tu comprends-tu? Mais comme je te l'ai dit, Gilles, je pense que ça va venir du Parti conservateur dans une conférence de presse organisée. Quand Richard Martel ne parle pas, confirme pas, c'est normal. Mais écoute, moi j'ai déjà annoncé les couleurs. Ouais. Oui, je peux aider. Oui, je peux être avec plaisir quelqu'un qui peut dépanner, que ce soit aux communications, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau également des commandites et des promotions. Moi, j'ai refusé d'aller là. J'ai donné un nom. Tu as été le premier à le véhiculer. C'était le nom de Richard Martel. Nous avons été les deux seuls, Danny Veilleux et Gilles Péloquin, à prôner Martel. Martel est là. On était heureux. Martel peut partir. Martel peut rester à moitié. On ne le sait pas. Mais pour l'instant, moi, je me devais, en tant que gars d'expérience dans cette ligue, de dire à Christian Deschênes, si vous avez besoin d'aide, je suis là. C'était la meilleure des choses que je pouvais faire, pas de prendre la relève, mais d'aider dans certains dossiers. Je pense que j'ai la compétence pour le faire. Et moi, j'ai annoncé mes couleurs. Si jamais ça devait arriver, au moins pour pas qu'ils ne soient pris à contre-pied et ne savent pas où se diriger, parce que, regardons froidement, si jamais Richard Martel partait, partait, qui peut prendre la relève? Ça prend quelqu'un qui connaît bien les bases et les rudiments de la Ligue nord-américaine, et il n'en pleut pas beaucoup. Non, effectivement, puis qu'il y a des contacts, qu'il y a des portes d'entrée, puis Gilles Péloquin, ça fait longtemps que je n'entends parler des médias. Mais Gilles, sincèrement, là, les réponses devront venir rapidement. Ce que je te disais tantôt, je pense qu'au niveau stratégique, c'est normal que ce n'est pas confirmé. Le Parti conservateur va convoquer une conférence de presse. Mais tu as Richard Martel, le candidat, puis tu as Richard Martel, le commissaire. Pour le bien de la Ligue, est-ce que Richard Martel doit faire, doit faire quelque chose? Ben, je pense T'as deux gars, là. T'as Martel, le candidat, puis Martel, le commissaire. Mais ça va laisser toute une incertitude dans la Ligue, ça. Écoute, si Richard Martel a une conviction profonde de se présenter là où il se présente, c'est qu'il a une conviction profonde de dire « je peux gagner ». En partant de là, chapeau de le penser. Ouais. Il faut qu'il travaille maintenant. Il faut qu'il soit bien entouré d'une belle machine politique parce que ça te prend, et tu le sais, sur le terrain, une machine de tous les instants. C'est court, une campagne partielle, c'est 6 semaines environ. Donc, on se doit de travailler 24 sur 24. Et si c'est le cas, il doit déjà avoir commencé. Il doit le faire dès aujourd'hui et demain, avant même qu'on annonce peut-être dans un mois que c'est vrai. Donc, il doit préparer le terrain. De ça, ben, il doit aussi aviser la Ligue qu'il va être un petit peu en retrait. Et si ce n'est déjà fait, parce que malheureusement, dans cette Ligue, on apprend toujours par la bande des choses. Et c'est malheureux, même si ça a beaucoup changé. Et je dois lui donner chapeau à Richard Martel d'avoir corrigé bien des choses qui ont changé mon opinion de cette Ligue depuis 3 ans. Cette année avec sa venue, mais il va falloir que Richard s'entoure, comme je t'ai dit tantôt, et laisse des chapeaux à des gens pour les porter à sa place. S'il perd, ben il revient, puis bravo, on l'a, on le garde chez nous, on en est très heureux. S'il gagne, mais au moins, il y aura des gens qui travailleront avec des dossiers et qui pourront faire avancer les choses pendant son absence pour lui permettre d'aller vivre un rêve qui est la politique. Donc, on est confronté à 2 options. Il faut continuer. Est-ce que lui peut la continuer? Sinon, il faut mettre des gens pour la continuer à sa place en attendant qu'il va rêver cette rêve et cette vie politique. OK. Gilles, si tu permets, on va faire une pause et juste parler de ce qui s'est passé dans la Ligue Seigneur du Lac au Fleuve cette semaine. Donc, vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Gilles Péloquin, la chronique de la Ligue nord-américaine sur les ondes de DernierDeSport.com. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina de Lhoubou-Mistassini au 418-276-2108. À l'aube de la nouvelle année, toute l'équipe de UAP Napa de Chibougamau profite de l'occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toute notre distinguée clientèle et vous remercie de leur encouragement pendant l'année qui s'achève et vous demande d'être extrêmement prudent pendant cette période de réjouissance. UAP Napa au 890 3e rue à Chibougamau au numéro de téléphone 418-748-6426. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. Gilles, c'est une nouvelle, évidemment, qui a fait le tour du Québec en fin de semaine sur LCN, dans la Ligue Seigneur du Lac au Fleuve. Bagarre des scènes disgracieuses entre Forestville et la formation de Jonquière. Pourquoi je te parle de ça? C'est sûr que toi, c'est la Ligue nord-américaine, mais ça a l'air d'être une nécessité encore des hommes forts en 2017. Moi, je me dis, si la Ligue nord-américaine, qui est la première Ligue senior au Québec, travaille pour refaire leur image, montrer que c'est du beau hockey, est-ce que c'est vraiment rendu une nécessité en 2017, même pour les petites ligues, ces hommes forts-là? Ben écoute, si on se fie au retour de 4 hommes forts en fin de semaine dernière, À Jonquière, ça a apporté, coïncidence, plus de spectateurs. À Sorel-Tracy, le retour de Lacroix est jumelé de l'autre côté au retour de Dave Hamel pour Rivière-du-Loup. Ben, ça a donné un 300 spectateurs aussi de plus. Est-ce que, et je regardais le match, je le faisais également à la télé sur le web, c'était tranquille, 1-1. À un moment donné, on amène ses deux amis sur la patinoire, suivis de deux autres, qui sont Guillaume Coudé, qui vient du Saguenay, et également Samuel Lévesque. Et là, il y avait des tourbillons dans la foule, debout, ça applaudissait, ça tapait dans les mains. Et c'était pas là, je vais te dire, Danny, et on peut revoir les images sur YouTube, on peut revoir les images sur Média en direct, c'était pas une section de 30-40 fanatiques de bagarre qui étaient heureux et qui tripaient comme des enfants ce soir-là. C'était le tour, le généralisé, mon ami, dans l'aréna. Et on s'est rappelé à la fin du match, oui, de la victoire de 5-2 des Éperviers, mais pas de la manière qu'ils l'ont gagné. On s'est rappelé des deux combats de Laker-Lacroix. On s'est rappelé de Coudé versus M. Lévesque. Donc, il est dans une mesure sans conséquence. La Ligue nord-américaine, elle a été tellement donnée. Moi qui ai des combats dans le feu de l'action, comme c'était à Sorel, j'embarque. Cependant, si je vois le scénario d'un autre match, en même temps et en parallèle, à 4 secondes, à 6 secondes, j'ai un petit peu de misère, parce que ça rappelle l'ancienne formule. Et oui, il n'y en avait pas eu avant, mais cependant, si tu regardes les assistances que je produis de la Ligue, qui me viennent des sommaires des matchs de la Ligue, donc je n'invente pas, ce sont les chiffres que les équipes mettent dans leurs sommaires, les équipes qui reçoivent pour un match, eh bien, depuis le début novembre, c'est en baisse. Et là, tout d'un coup, ça va peut-être remonter avec le retour de ces gars. Quand tu te présentes à Thetford, moi, je pense que Sorel avait besoin d'un Mario Joly, d'un Lacroix en uniforme. Moi, je pense que quand tu te présentes à Jonquière, comme ce sera le cas samedi prochain, quand Jonquière a toute son équipe, moi, je pense que tu as besoin d'un Lacroix et tu as besoin également d'un Joly pour faire respecter un petit peu la loi pour qu'on ne s'en prenne pas aux petits joueurs comme c'était habituellement le cas. Parce que tu as des équipes un peu plus bien nanties en gabarit de joueurs, puis tu en as d'autres. Sorel est une petite, Trois-Rivières est une petite également, Saint-Georges aussi, mais tu en as Rivière-du-Loup, Thetford et Jonquière qui sont mieux nantis au niveau des 6 pieds 4, 6 pieds 5, 6 pieds 6, bravo, c'est parfait au repêchage qui a été fait. Mais je pense que c'est un juste choix, et surtout, on a vu que dans le match à Thetford, Sorel a manqué d'effectifs, Coudé a joué, a failli même la veille au match contre Rivière-du-Loup marquer un but qui a été refusé avec le patin, malheureusement. Mais Sorel avait perdu Dumas en cours de route, avait perdu Couture, avait perdu Lacroix pour deux combats. Se retrouve à 15 joueurs sur le banc. Ben c'est important que le gars sache jouer au hockey. Et Coudé sait jouer au hockey, ben il aurait pu marquer un but. Donc, c'est ça la nuance. Écoute, je suis un petit peu... J'aime bien ce que j'ai vu depuis le début de la saison, mais en même temps, j'étais un petit peu sur mon appétit. Mais ça dépend ce qu'on va nous donner dans les prochaines semaines. Moi, je veux voir les deux, trois prochaines semaines pour juger vraiment de la nécessité si on les ramène ou pas. Mais pour l'instant, si c'est des gars comme ceux qui étaient là et qui savent jouer en même temps au hockey, j'ai rien contre ça si ça permet de revoir plus de monde dans les cadets. Donc, mais ce que tu es en train de me dire, oui, ça a sa place. Puis les gens, puis moi, c'est ce que je pensais aussi depuis le début. Les gens sont hypocrites. Ils aiment ça le monde. Ils aiment ça les bagarres. Quand, regarde, la Ligue Senior 3 au Québec, là. La Ligue Senior 3 au Québec, il y a 10 équipes à 8$ du match, là. Vont chercher des super moitié-moitié à 1000$, là. Ils ont deux combats par match. Ils ont leurs hommes forts. Des hommes forts qui sont bien pour cette ligue-là, mais pas assez forts pour venir dans la Ligue nord-américaine, il faut être honnête. Okay. Mais ça a sa place, ce circuit-là, parce que les gens savent que entre Louisville et Saint-Léonard-d'Aston, puis on va prendre entre Saint-Cyril puis Windsor, on va avoir ces deux petits combats. C'est les beautés de ce circuit. Enlève les petits combats dans ces villes-là, cette ligue-là n'existe plus. Cependant, il ne faut pas aller aussi loin que faire le vaudeville chez vous, qui est arrivé hors glace. Ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est sûr. Il ne faut pas aller à provocation. Si, moi, Écoute, moi, je ne sais pas si tu as vu ce post-là. Ça a fait beaucoup parler. Avant pas, le hockey senior au Québec, toutes catégories confondues, ça donne au passage un œil au beurre noir à la Ligue nord-américaine parce que ça rappelle des incidents semblables à Laval dans le House of Pain, jadis, et dans d'autres villes, Sherbrooke. On n'a qu'à penser également, c'est arrivé aussi par le passé avec Rivière-du-Loup, avec Jonquière, avec Thetford. Ça donne la même petite mentalité de clocher que disent certains du Senior 3, qui pourtant n'est pas visé, mais on a vu ça ailleurs. Ça peut arriver chez vous. Oh, puis ça a failli arriver déjà, monter dans les gradins, ou etc. On n'a qu'à penser à Saint-Jacques, qui est monté dans les gradins à Thetford l'an passé. On n'a qu'à penser à Laval, ce qui s'était passé avec Sorel dans un match de 10-1. Plus tôt cette année à Sorel, avec Rivière-du-Loup, Lévesque et Villemaire, près d'aller dans les gradins, et heureusement, les agents de sécurité les ont retenus. C'est pas souvent les joueurs qui sont en cause. C'est les spectateurs qui lancent de la bière, des cafés puis des gourdes. Puis eux, ben, dans le feu de l'action, ils veulent répliquer. Mais qui a posé le premier geste? C'est pas le joueur. C'est en haut, c'est plus haut, c'est les gradins. Bon, si tu as un manque d'efficacité du service de sécurité de tel ou tel amphithéâtre, ça va jusque-là. Mais il y a eu un petit œil au beurre noir chez vous qui a été rejailli partout dans la Ligue et les autres ligues au Québec. Oui, effectivement, ça a fait le tour. On va se parler la semaine prochaine avec la rétrospective de l'année, mon Gilles. Avec plaisir. Gilles Péloquin, notre collaborateur de la Ligue nord-américaine.